n'est pas partagé, l'amour ça fait trop mal. C'est un cœur déchiré, un chagrin infernal. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. L'amour non partagé, ça ressemble à l'enfer. Même le diable lui-même n'aurait pas pu mieux faire. C'est le pire des fléaux, le plus humain des drames. Mon cœur est en morceaux et j'ai mal à mon âme. Je hurle de souffrance tout comme un loup blessé. Et je perds ma substance à vouloir t'oublier. J'ai des sursauts d'espoir, mon cœur voudrait bondir. Submergé d'idées noires, noyé dans les soupirs. S'il n'est pas partagé, l'amour ça fait trop mal. C'est un cœur déchiré, un chagrin infernal. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je nous revois heureux, ivres de nos paroles. Je me souviens de toi avec une auréole de lumière et d'amour et fleurie de promesses. De cœurs fous amoureux en quête de tendresse, un paradis s'ouvrait en nos âmes en osmose, comme un parfum de vrai s'échappait de la rose qui s'épanouissait aux lueurs des chandelles et dansait dans nos yeux en milliers d'étincelles. S'il n'est pas partagé, l'amour ça fait trop mal. C'est un cœur déchiré, un chagrin infernal. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. À force de t'aimer et de verser des larmes, je me nourris de toi et entretiens la flamme. Je voudrais te rayer en vain de ma mémoire et ranger ta photo dans le fond d'un tiroir. Je t'aime et n'y peux rien, je suis ta prisonnière. Je t'aime à un tel point et pour la vie entière. Je sais que ces mots-là sont comme les feuilles mortes, balayées par le temps et que le vent emporte. S'il n'est pas partagé, l'amour ça fait trop mal. C'est un cœur déchiré, un chagrin infernal. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Je prie chaque jour pour t'oublier. Mais mon amour, comment t'oublier? Mais mon amour, comment t'oublier? Je préfère encore mourir d'aimer. Je préfère encore mourir d'aimer. Je préfère encore mourir d'aimer. Je préfère encore mourir d'aimer. Je préfère encore mourir.